Alors, avant d'aller plus loin, il faut dire aussi, bon, j'ai parlé effectivement des escamotages qu'il peut y avoir, des grossissements qu'il peut y avoir, il faudrait parler aussi et surtout des silences qu'il y a. Car je crois que ça, c'est aussi l'un des éléments importants de la perspective de recherche des ethnotextes, c'est finalement de s'intéresser autant à ce qui n'est pas dit qu'à ce qui est dit. Et là, c'est là où il y a une convergence très forte actuellement avec les historiens, avec les historiens d'histoire orale. L'histoire orale a cet énorme avantage d'insister, elle aussi, beaucoup, justement, sur les phénomènes de censure, sur les phénomènes de non-dit, les phénomènes d'oblitération d'éléments du passé. Et lorsqu'on fait une enquête plus spécifique sur la représentation des événements historiques, enfin sur la mémoire historique, la mémoire des événements, eh bien on est toujours frappé, et d'une façon extraordinaire, des phénomènes de censure inconsciente qui se produisent. Il y a des pans du passé qui disparaissent complètement de la mémoire collective, et ce n'est pas forcément le passé le plus éloigné, ça peut être au contraire, et c'est même peut-être très souvent le passé le plus récent. Ou certains éléments de ce passé récent qui sont oblitérés, qui sont refoulés pratiquement de la mémoire, alors qu'il y a d'autres éléments du passé, d'un passé plus ancien et auxquels peut-être on ne pense pas a priori, qui sont au contraire extrêmement vivants et qui ont été même transmis d'une génération à l'autre et qui survivent encore dans la mémoire. Donc tous ces mécanismes évidemment sont à expliquer. L'histoire orale a fait un grand bond en avant de ce point de vue-là depuis 10 ans à peu près, à l'étranger et puis en France maintenant, et je crois que c'est évidemment tout à fait lié à cette entreprise des ethnotextes, puisque l'histoire orale finalement fait partie aussi quand même de cette recherche sur les ethnotextes.